Première chronique, ça fait longtemps qu'on était supposé commencer nos chroniques, mais ça a tellement brassé dans la NFL qu'on a retardé nos chroniques. Mais là, faut que ça avance, là, parce que c'est le repêchage dans un mois. On va en parler avec Fouché, on va parler des carrières aujourd'hui qui seront repêchées très bientôt. Salut, Hugues! Salut Denis, ça va bien? Ça va bien, ça va bien, Hugues. D'abord, c'est pas une grande année de repêcheur, mais tu sais, faut toujours y aller avec la bémol. Les experts disent que c'est pas un. Mais tu sais, tu vois ça, et peu importe le sport, là, tu vois ça 5-10 ans après. T'sais, on a fait souvent les analyses des différents repêchages, et tu vois ça 5 ans après. Tu sais, des années qu'on dit que c'est une année de carrière, c'est pas dire qu'il va se développer, c'est toujours le développement, là. Et cette année, bah, Exact. c'est sûr, tu regardes ça sur profil, il n'y a pas grand carrière. T'as pas de Justin Wilson, t'as pas de Trevor Lawrence, t'as pas de Mac Jones, Non. mais t'as peut-être un Non. corps qui va. Écoute, là, quand tu dis que c'est Maverick Willis qui est un corps qui a beaucoup de potentiel, par contre, on sait pas ce qui va arriver avec comment il va se développer étant donné qu'il joue dans une petite université. Est-ce que je me trompe en disant Exact. ça? Puis t'as Kelly Pickett, mais c'est un senior, mais qui a battu des records Oui. incroyables. Oui. Écoute, il y a des bons corps quand même. Et puis, comme tu dis au début, le repêchage, pas une science exacte. Non. L'année passée, on était sûr qu'on avait un grand cru, puis à date, c'est assez ordinaire, merci. Il y a juste Mac Jones qui a montré des flashs. Tous les autres corps arrière, à part peut-être Davis Mills, qui a été pas si mal non plus pour un choix de troisième ronde, mais les autres, ça a été très tranquille. Alors, puis, tu sais, moi, l'exemple que j'utilise toujours, c'est il y a quand même eu 198 joueurs repêchés avant Tom Brady Ouais. en 2000. Fait que, tu sais, si le repêchage était une science exacte, ce genre d'affaire-là n'arriverait pas. Fait que, je veux juste dire ça, mais effectivement, on considère dans ce qu'on a vu cette année qu'il n'y a pas c'est un repêchage qui apparaît être plus faible, mais il y a quand même des bons prospects. C'est pas. T'en as nommé deux, là, Willis et Pickett. Ben, Écoute, le top la 5 grande cette année. Oui, déception, vas-y. c'est Sam Howell. Je me rappelle l'an Oui, passé, Sam Howell, oui. on disait qu'écoute, on le voyait comme Oui. un carrière de première ronde et Oui. très proche première ronde. Et là, au mieux, Oui. Puis je le vois repêcher fin de première ronde maximum, là. C'est au mieux, là. Ah, oui, au mieux. Puis ça, c'est si tout va bien. Écoute, le top 5 va probablement être constitué des joueurs suivants, là, dans l'ordre ou dans le désordre, là. Mais tu auras probablement Pickett de l'Université Pittsburgh qui a été un des finalistes au trophée Heisman. Malik Willis, là, dont tu as parlé, qui est un fast riser, là, c'est rendu qu'il y a des gens qui le mettent à Détroit au deuxième choix total, imagine. C'est malade. Comment ce gars-là, oui, parce que ce gars-là, on n'en parlait même Mais pas. c'est les lions. C'est les lions. C'est comme les Browns, tout ça. Oui, C'est les lions. ça pourrait arriver. Ouais. Ça pourrait arriver. Ensuite, pour le top 5, là, que pas mal tous les experts vont avoir, là, on pourrait le compléter avec Matt Corral de Ole Miss, Desmond Ridder de Cincinnati et Sam Howell que tu viens de noter, mais là, qui est pas mal plus proche du cinquième rang que du premier. Très Puis décevant. moi, je ferais pas, ouais, puis moi, je ferais pas partie nécessairement de mon top 5 à moi, mais il a vraiment été décevant, effectivement. C'est un gars de caractère, il a un bon bras, mais son jeu, c'est pas placé ensemble. Mais si on y va par rapport au corps, si tu veux bien, on pourrait commencer par Ma, l'autre que je ouais, pense probablement qu'ils vont être repêchés. ben moi c'est, écoute, Malik Willis va probablement sortir premier, là, je regarde tous les mock Oui. drafts, là, quand on dit Oui. premier, c'est premier carrière, et non premier choix, là, parce que c'est Oui. le, donc Non. Malik Willis, donc normalement le Liberty devrait sortir en premier, encore un Oui. qu'on dit qu'il a beaucoup beaucoup de potentiel, par contre il joue à Liberty, c'est ce qui, c'est un peu comme Trey Lance, c'est un petit peu un point d'interrogation, donc ça force à Malik Willis, on le compare à Cam C'est le Newton, plus. est-ce que c'est vrai? Oui, non, pas nécessairement. Je le vois plus. Écoute, j'ai vu des comparaisons physiquement, là, pas au niveau du niveau de jeu, mais physiquement, avec Russell Wilson, puis je OK. trouverais cette comparaison-là mieux parce que, écoute, il a vraiment un bras exceptionnel là, au combine. Il a lancé un ballon, il était à sa propre ligne de 20. Et puis il a lancé ça jusqu'au à peu près aux 15 de adverse. En plus, il y avait une diagonale évidemment dans sa passe, il lançait vers les lignes de côté. Fait que s'il a lancé là sans difficulté une passe qui a franchi quasiment 70 verges dans les airs. Là. Fait qu'il a vraiment, il est précis aussi. Mais lui, c'est le corps arrière qui a l'histoire la plus intéressante du repêchage. Je t'explique ce qui s'est passé. C'est un athlète 3 étoiles. Il était listé athlète à sa sortie de l'école 3 secondaire. 3 étoiles, pour les arrière. gens qui ne savent pas c'est quoi, c'est à peu près un corps réserviste, à peu près. Oui, c'est ça, exactement. Donc, c'est à peu près... Puis il était même pas que... Ouais. Oui, puis il était même pas classé corps arrière, là. Il était classé sur la rubrique athlète. Okay. Ce qui veut dire qu'il va probablement être obligé de changer de position. Il n'y a personne qui le voulait comme corps arrière. Okay. Et il s'est retrouvé à Auburn, qui okay. était un endroit où on lui avait promis qu'on lui donnerait un essai comme corps arrière. Alors, il s'est retrouvé corps arrière à Auburn. Il n'a pas réussi à percer, donc il a transféré à Liberty, qui est l'endroit où finalement on lui a promis de vraiment le faire jouer comme corps arrière. Et donc, il y a une raison pourquoi il s'est ramassé à Liberty. Et il a vraiment eu un impact sur le programme. Je veux juste te dire, si je calcule bien, Liberty a été 17 victoires, 6 défaites ouais. en 2 ans avec ce gars-là comme corps. Mais on s'entend que Liberty, sans Malik Willis, là, ils vont gagner 3-4 matchs par année maximum. Là. C'est vraiment à lui... qui a eu un impact. Ses tapes sont excellents, il joue extrêmement bien, mais comme tu dis, c'est un système offensif, tu sais, c'est une petite université, il joue contre une concurrence moindre. Il n'a pas vraiment pu prouver ce qu'il ferait contre un calibre semblable à celui de la NFL. Alors, il y a quand même un risque à repêcher ce gars-là, mais il y a quand même des bons tapes. Tu sais, c'est pas sorti du champ gauche le fait d'aimer Malik Willis. Mais comme je te dis, mais son histoire est super intéressante. Je me suis mis une note aussi qu'il ressemblait un petit peu à Kyler Murray physiquement, mais qu'il n'est pas un produit aussi fini que Murray quand il était au niveau de la NCAA, mais physiquement, il pourrait avoir une ressemblance aussi avec Kyler Murray. Il est plus costaud, par exemple, mais c'est un peu ce genre de corps arrière-là. Donc, écoute, est-ce que... Une équipe pourrait le développer sûrement, mais c'est le genre de gars qui bénéficierait d'avoir un an sur le banc avant de jouer puis de se retrouver avec une équipe qui pourrait peut-être le développer. Mais là, s'il se retrouve avec les Lions de Détroit, exemple, au deuxième rang, ben il va se retrouver avec une mauvaise équipe à jouer immédiatement sur le terrain, puis ça pourrait être une catastrophe. Okay. Kenny Pickett. Moi, ouais, okay. Oui. Moi, c'est mon préféré dans ce repêchage-là. Moi, je le vois avec les Steelers. Je le vois avec les Steelers. Moi, je garde. Oui. C'est un produit local, a battu les records de Dan Marino à Pitt. Donc, oui. C'est un senior. Il me semble que les Steelers ne peuvent pas passer à côté de lui. Je suis d'accord. S'il chute, ouais. Ça, on ne sait pas s'il va être disponible. S'il chute jusqu'aux Steelers, les Steelers ne peuvent pas, même s'avancer. Peuvent pas le laisser passer. Essayer de s'avancer. Oui, il pourrait. Il devrait s'avancer parce qu'effectivement, écoute, c'est le seul. Moi, je me suis écrit comme note, là, c'est le seul qui coche toutes les cases. La production, le physique, le leadership et le niveau de jeu, les tapes sont excellents. Okay. Il y a les traits physiques aussi pour un corps de la NFL. Et moi, pourquoi c'est lui que je prendrais, je t'explique, c'est que je pense que c'est un corps qui pourrait avoir plus de succès chez les pros qu'au niveau collégial, parce que ce qui fait le mieux, c'est à l'intérieur des traits assurés, puis dans les zones intermédiaires, où beaucoup de choses se passent dans la NFL, tout est dans les zones intermédiaires. Au niveau collégial, c'est plus les zones profondes, les zones courtes. Okay. Mais au niveau de la NFL, c'est beaucoup... Et je trouve qu'on l'a mal... C'est moi, là, mais je trouve qu'on l'a pas utilisé de façon optimale. Puis si tu l'utilises dans un système où ça va plus être des tracés de synchronistes au centre du terrain, je pense qu'il va... Moi, ce que j'ai vu, là, c'est qu'il était meilleur dans ces situations de jeu-là, puis ça, c'est des... Finalement, il va bien fitter dans un système de la NFL. Je le vois bien fitter dans un système de la NFL. Je le vois connaître plus de succès dans la NFL qu'au niveau collégial. Moi, c'est lui que j'aurais... C'est lui que je viserais si j'étais un dépisteur de la NFL, mais je trouve que c'est celui... Je trouve qu'il a un beau potentiel, puis il a toutes les qualités. Écoute, sa production était élite cette année. Il a été candidat au Trophée Heisman. C'est un bon joueur. Moi, c'est le gars que je choisirais. Il mériterait d'être le numéro 1, mais ça risque d'être Willis, le numéro 1. Là, de il va choisir, sortir à peu près, pour moi, à peu près au 15, d'être au général, il devrait sortir à peu près autour de entre 13 et 17, à peu près. C'est à peu près ça qu'on le voit. Puis les Steelers à page 20. Oui. À peu près, là. Probablement. Ouais. Un qui est aimé par les experts, mais pas par moi nécessairement, c'est Matt Corral de ouais. Ole Miss. Okay. Ouais. Ouais. Pas fan, moi. Mais okay. Je pense qu'il va sortir vite. Parce que quand je le regarde jouer, je peux comprendre pourquoi il y a des gens qui l'aiment beaucoup. Il y a les qualités physiques. Il y a, comment je peux dire, Il a une très belle motion de passe, très compacte, puis un bras puissant, c'est-à-dire qu'il génère beaucoup de puissance avec une motion de passe qui est compacte. C'est sûr que un pro scout ou un directeur gérant qui voit ça, il dit « Wow, on peut vraiment travailler avec ça. » Mais il joue pas bien. Je trouve pas qu'il joue bien. Il bloque sur sa première lecture. Il est pas capable de laisser sa deuxième lecture. Son système de jeu, c'était presque juste des RPOs. Il prend des mauvaises décisions dans le courant des matchs. Moi, honnêtement, c'est vraiment pas mon gars. Mais je me suis marqué comme note, celle-là, je la trouve drôle, là, c'est que je vais la partager. C'est qu'à certains moments, je m'étais mis comme note en la regardant jouer. Les attributs sont là, je comprends certaines personnes de l'aimer, mais il peut parfois ressembler à un Joe Burrow, mais il risque surtout de finir en étant un Drew Lock. Ouais, tu vois là. C'est comme ça que je le vois. Tu vois là, dans le mock draft que je consulte actuellement, on le place 40e. Je pense qu'il va sortir un petit peu plus vite voilà. Tu penses qu'il va sortir? Moi, je pense qu'il peut sortir plus, un petit peu plus. Pour plus proche, non? Moi, je pense qu'il va. Moi, je serais pas surpris qu'il sorte en première ronde parce que le bruit qui court, je pense que Chris Sims l'a mis premier dans son mock draft, puis Chris Sims, dans son classement. Puis Chris Sims, honnêtement, il y a eu des bons classements dans le passé, des fois, là. Puis le bruit qui court, c'est qu'il y a beaucoup de scouts qui l'aiment beaucoup plus que ceux qui suivent le draft. Il y en a qui l'adorent, alors, parce que les attributs physiques, puis ils pensent peut-être qu'ils peuvent faire un peu un Josh Allen avec lui. Moi, je pense qu'il va sortir en première ronde. Ce serait ma prédiction, mais moi, je le pêcherais pas. Mais là, si tu me parles du 40e rang, Danny, là, je commence à l'aimer au 40e rang. C'est tout est une question. C'était Walter que je consultais un mock draft. J'en consulte un autre en même temps. Oui. Je te parle CBS Sports 32e. Oui. J'ai l'impression que ça risque plus d'être 32e. OK. Mais écoute, s'il sort après la première ronde, là, on parle de d'autres choses. Là, je pense que ça vaut le risque. Parce que c'est un gars qui aurait quand même certains traits de partant. Des fois, tu sais, quand il n'est pas si bon que ça au niveau universitaire, des fois, c'est parce qu'il peut avoir été mal utilisé aussi. Puis c'est quand même un gars qui a eu des bonnes statistiques, etc. Si tu me parles d'une deuxième ronde, j'haïs pas ça. Si tu me parles, par contre, genre autour du 20e rang, j'ai vu certains mocs qui le donnaient à Pittsburgh, ça, c'est non, par exemple. Ça, je repêcherais pas ce gars-là aussi vite que ça. Quatrième, Sam Howell. Ouais, on le place à peu près ça. Courait... Sam Howell, c'est au mieux fin de première ronde. Mais je me rappelle l'année passée, on le plaçait dans les 10 premiers faciles. Tu te rappelles chute cette année? C'était une mauvaise année, là. Oui, en fait, tous ses meilleurs joueurs sont partis pour la NFL l'année passée, puis s'est retrouvé avec une nouvelle équipe moins talentueuse. Il y avait des bons joueurs autour de lui, Javonte Williams, il y avait ses deux serveurs de passe aussi sont dans la NFL. Alors, tu sais, moi j'aurais tendance à te dire que ça l'a peut-être nuit, mais moi j'ai jamais vu un talent de première ronde dans Sam Howell. Je pense que c'est un gars qui a un bon bras, mais encore là, si tu me parles de troisième ronde, si tu me parles d'une première ronde, je trouve ça riche pour un gars comme Sam Howell. Ses tapes sont pas très bons, il est souvent mêlé sur le terrain, il a de la misère à trouver ses receveurs. Ses lectures de jeu sont pas extraordinaires, puis c'est pas un gars qui a un bras qui est bon au point où tu dis, bon, regarde, on va prendre un risque, peut-être qu'on va pouvoir le coacher, puis l'améliorer au niveau de ses lectures, comme les Bills ont fait avec Josh Allen, qui avait des lectures épouvantables, pas épouvantables, mais assez faibles au niveau collégial. Mais des fois, tu peux, tu sais, en encadrant le gars, tu peux l'aider à s'améliorer, mais dans le cas de Sam Howell, ça vaut pas un choix de première ronde de prendre ce risque-là. Et le prochain qu'on parle, pour moi, est un meilleur prospect. Oui, lui, j'aime bien. Oui, OK. Oui. Oui, moi, je l'aime bien, lui. Sais-tu à qui il me fait penser? Non. Pour des raisons différentes? Non. Mais pas au niveau du style de jeu. Mais je te compare le calibre, c'est exactement la même chose qu'Andy Dalton au même âge. Pareil. C'est-à-dire que c'est un gars qui était à la tête de ce qu'on appelle un BCS Buster, c'est-à-dire une petite université qui fait trembler les gros programmes. Dalton était le corps de TCU à l'époque, puis TCU n'était pas encore dans le Big 12. Là. C'était une petite université. Et écoute, Ridder, comment je peux dire, c'est un game manager au goût d'aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il est plus athlétique que Dalton, il peut courir, il peut courir un petit peu plus, il est un petit peu plus athlétique, et c'est surtout c'est un passeur précis, c'est un gars qui sait comment gagner des matchs, c'est un gars qui fait pas d'erreur, puis c'est un gars qui va plus mesurer son impact en termes de leadership et de victoire qu'en termes de ses qualités comme telles. Fait que moi, c'est pour ça que je l'aime. Puis il risque de partir en... Lui, il va partir en deuxième ronde. Okay. Comme Andy Dalton était parti en deuxième ronde. Moi, j'avais Dalton assez haut son année de repêchage. En fait, j'avais Dalton et Kaepernick assez haut cette année-là. C'est deux gars que j'aimais beaucoup. Alors, je pense, moi, que Ridder pourrait être un corps partant éventuellement dans la NFL. Puis en deuxième ronde, c'est un gars que je viserais. Il sera jamais exceptionnel, mais... Andy Dalton avait fait les séries à plusieurs reprises à Cincinnati en début de carrière. C'est pas mauvais quand même. C'est le Jake Allen de c'est le Jake Allen. C'est un Jake oui. Allen. Y a-t-il une carte cachée? Y a pas de problème à avoir un gars comme ça. J'en ai une. J'en ai quelques-uns. Celui que je vais te dire là, il y en a qui vont te parler des Jay Perry. C'est pas vrai, c'est pas une carte cachée. Ce gars-là n'a pas ce qu'il faut pour jouer dans la NFL. Il vient de Brown, puis il a connu je me souviens plus si c'est Senior Bowl ou s'il était... Oui, c'est au Senior Bowl, mais moi, je le vois pas. Carson Strong de Nevada, beaucoup de gens vont t'en parler, mais moi, je vois pas non plus un corps de la NFL dans ce gars-là. Jake Cone a le mot... Ça, c'est l'ancien corps de Notre-Dame. A le mot réserviste écrit dans le front, mais il pourrait jouer pendant longtemps dans la NFL. Mais le gars, que je ne sais pas pourquoi, qui est en dessous du radar, puis moi, vraiment, c'est le gars que je viserais, c'est Caleb Kelly de Southern Louisiana. J'en ai déjà parlé. Ce gars-là, il a commencé sa carrière à Arkansas, puis il a transféré, un peu comme Joe Flacco l'avait fait à l'époque. Okay. Il a vraiment... C'est lui qui a gagné le Walter Payton Award, c'est-à-dire le Heisman de FCS. Ouais. Okay. C'est le meilleur joueur de FCS. Ses tapes sont excellents. C'est un 6 pieds 6 avec certaines qualités athlétiques. Ouais. Oui. Puis c'est un excellent joueur. Ses tapes sont vraiment forts. La première fois que je l'ai vu jouer, tu sais, j'écoute honnêtement pas les matchs de FCS. De toute façon, on les a pas vraiment au Canada, mais. Puis à un moment donné, on manque de temps aussi. Mais je veux juste te dire, la première fois que j'étais au NFL PA Bowl, puis en zappant, je suis tombé sur ce gars-là, puis je le regardais, écoute, je le regardais lancer des lasers d'un numéro des joueurs, de prendre des bonnes décisions, puis je me suis dit, c'est comment ça se fait que ce gars-là n'est pas au Senior Bowl puis qu'il est dans ce bowl-là, c'est pas normal. Ouais. Puis là, j'ai commencé à rechercher sur lui, puis j'ai été voir ses tapes, puis honnêtement, moi, ce serait ma carte cachée, donc je te dirais, je sais pas où il va partir. Ça se peut. Est-ce qu'il va être repêché ou puis où il va l'être, je le sais pas. Mais ça arrive que des gars comme ça échappent au système. Là, il y en a eu des joueurs qui. Fait que moi, s'il y en a un sur qui je miserais mes billes, ça serait sur ce gars-là. Donc Caleb, excuse-moi, j'ai un blanc. Donc ça serait sur Caleb Kelly, excuse-moi. De Southern Louisiana en FCS, ça serait ma carte cachée. Mais là, on parle de carte cachée. Il faut choisir un gars qui va être repêché après la troisième ou quatrième ronde, puis qui a peut-être une chance de se développer. Puis je te sors un nom qui est pas que peut-être beaucoup de gens ont jamais entendu parler. Moi, ça serait lui que je serais. Ça serait lui que je viserais. On va voir, mais on s'en reparlera. C'est sûr que si jamais il devient bon un jour. Danny, tu gardes ce tape-là, puis on le rediffuse dans quelques années. Je veux te faire commenter une transaction qui vient de survenir. Je ne sais pas si tu l'as vu passer. C'est une transaction assez, somme doute, assez mineure. On compare avec ce qui s'est passé. C'est des transactions de malades qu'on a eues depuis quelques semaines. Javonte Parker qui s'en va avec les Pats. C'est le genre de transaction que les Pats aiment faire. Je ne sais pas si tu l'as vu passer. Oui, je l'ai vu passer. Tout le monde a l'air assez optimiste. Là, c'est-à-dire qu'il... honnêtement, ça fait des années que Belichick est en amour avec le genre de receveur qui est Devante Parker, là, c'est-à-dire le gros receveur de passe qui ne crée pas de séparation avec les demi-défensifs et que c'est juste des catchs 50-50. Il a repêché Nicky Larry pour être ce gars-là en première ronde. Il avait déjà repêché Aaron Dobson pour être ce gars-là, puis ça marche jamais. Dans le système des Pats, ce genre de gars-là n'a pas de succès, puis je trouve qu'il est un mauvais fit avec... ce que fait Mac Jones. Ce que Jones a besoin, c'est des gars qui demeurent, qui se libèrent rapidement. Par contre, je pense que ça va donner Parker, c'est ce qu'on appelle un split end dans le langage de football, là, c'est-à-dire un receveur X. Un gros gars qui joue à l'extérieur des trachuries, c'était Nelson Agholor qui avait ce rôle-là l'année passée, puis ça n'a pas marché. Ça va peut-être donner la flexibilité de déplacer Nelson Agholor puis de le faire jouer dans d'autres rôles où Agholor va être plus à l'aise. Puis dans ce sens-là, j'aime quand même la transaction. Okay. Mais tu sais, je suis pas sûr que Parker va avoir de grosses statistiques, mais si ça permet de mieux utiliser... Ouais, puis je suis pas sûr que ça va être mieux que ça cette année, mais parce que c'est pas le genre de gars avec qui Mac Jones va, tu sais, c'est pas le jeu de Mac Jones, ce genre de receveur de passe-là, mais si ça permet de mieux utiliser Agholor, puis qu'Agholor, lui, a une bonne saison, ben à ce moment-là, ça aurait été un bon échange. OK. Terminant, on a un petit peu de temps encore, là. Il y a un match, les équipes de la NCAA commencent les Spring Games. À quoi, ça? Ça sert à quoi pour les équipes de la NCAA? C'est-tu pour évaluer comment ça va actuellement leur préparation de printemps, et ainsi de suite? Oui, exactement. Les équipes s'organisent, c'est différents formats. C'est-à-dire que certaines équipes qui vont organiser des matchs. La joue en fin de semaine, je pense. Effectivement. Ouais. Je pense que Kaepernick était là, comme j'ai vu ça passer aussi. C'est simple, c'est que c'est des matchs, tu joues contre ta propre défense, finalement. Et puis, mais dans un format de match, puis, mettons, tes réservistes évoluent contre ta deuxième défense, ou des fois, on inverse. Puis ça permet effectivement de faire des expériences, puis c'est surtout pour une fin d'évaluation des joueurs, puis de les mettre dans un contexte qui ressemble le plus possible à un vrai match de la NCAA. Ça permet de les évaluer. Toujours intéressant, puis ceux qui s'intéressent, vous allez pouvoir trouver des versions sur YouTube de ces matchs-là. Donc, des Spring Games, c'est toujours intéressant. On découvre des joueurs l'année dernière. Pour te donner un exemple, Bryce Young avait connu un très bon spring game avec Alabama, donc ça avait permis d'avoir un premier contact avec lui, tout en sachant qu'en confirmant que ce serait lui le corps partant d'Alabama, finalement. Ouais, okay. Puis il avait été bon, il avait vraiment bien joué. Okay. Ça permet de voir ce genre de choses-là. Ouais. Puis ça a été un préambule à l'excellente saison qu'il a connue. C'était que pour les mordus qui sont un peu en manque de football, allez trouver ça sur YouTube. Les USFL commence dans 15 jours. J'ai hâte de voir ça. Fait que j'ai hâte de voir. Hugues, on s'en reparle très, très bientôt. Oui. La semaine prochaine, on va faire le tour des porteurs de ballon ce coup-là. Donc, c'était notre ami Hugues Fouché qui nous parlait avec la première chronique de la, en vue du repêchage de la NFL.